Et moi, Ouais, c'est bah, un investissement Hans, énorme. rigole, rigole, Hans. Ouais, t'as pas mangé un poulet rôti, Attends, j'ai encore une plume dans les dents là. Mateshak. Allez, Jaz Mohammed, t'as pas mangé. Hein. En ce moment, ça va, je suis plus dans les pizzas moquettes. 20 mètres carrés, on a tranquille, bien mettre taille mec là, les chats. Tu mets ça dans le coffre, la cave. T'as une petite faim. T'as une petite faim, tu prends tes bras, tu descends à la cave, tu déroules. Tu déroules 1 mètre 50 au Tchouba. Tchouba mzien. Obi-Wan, tu devrais faire ça, t'en. Quelle sauce tu utilises, Hans? Ah, moi je mange nature. T'as dit que la petite couche de graisse du siège de la 405. Non, non, naturelle, tu vois. Un peu d'odeur de pétrole sur ma traque, tu vois. Toutes les ambiances de l'Algérie. Ouais, je vais verser une larme. Ça me manque l'Algérie, mon amour. La baie d'Alger, la mer la plus belle du monde. Comme disait Camus, Ron. Comme disait Camus. Ah, Ron Chat. Haram Chat. Comme disait Camus. L'Algérie, elle est belle. Elle est belle. Oh, ça, c'est plutôt Mouloud, ça. C'est Mouloud Camus. Je... C'est Mouloud Camus. Il a rajouté, de là, je pense à toi, le blé de mon pays, Asema Ralia. Je vois que vous rigolez un peu trop sur mon pays. Je vais vous reciter Montesquieu. Il a dit, la harissa de Constantine, c'est la meilleure. À tes souhaits, Hans. Aujourd'hui, tout est dégueulasse, quoi. Tout est dégueulasse. Tu vas dans un resto, même une boulangerie. Putain, la dernière fois, j'étais dans une boulangerie région lyonnaise, c'était des Algériens. Et le pain était dégueulasse, j'ai recraché tout de suite. Je dis, mais c'est quoi ce Hobbs? Elle me dit, ouais, c'est le Hobbs, pourquoi vous n'êtes pas content? Je lui ai rendu le pain, je lui garde l'argent. Je suis allé dans une boulangerie dans un village où c'était encore des vieux Français. C'est pas possible, ils ne savent pas cuisiner ces mecs. T'as vu le Hobbs, comment il est dégueulasse? Et ça, c'est juste le Hobbs. Hein. Je te prends même pas snack. De voilà. C'est un peuple qui n'a pas d'histoire, qui est pris en charge par les Ottomans, ensuite les Français. Ils n'auront transmis rien du tout. Ça ne va même pas cuire un bout de pain. Donc,